Bienvenue dans Kid Manoir. Ici, pas d'échappatoire. Tu vivras tes pires cauchemars, mais sans oser y croire. Ici, viens réaliser tout ce dont tu as rêvé. Mais tout au bout du couloir, attention, manoir. Nul espoir dans Kid Manoir. Kid Manoir.